dernier temps de notre série consacrée à l'histoire des inconnus, des archives, des anonymes. Aujourd'hui, le débat. Après un nouvel épisode de la Fabrique de l'Histoire scolaire préparé par Séverine Yatard, nous tenterons avec nos trois invités un essai de définition. Comment appeler ceux qui laissent peu de traces dans les archives? Sont-ils des anonymes, des sans-voix, des dominés, des gens de peu, comme le disait Pierre Sansot, ou encore des gens simples? Et comment les historiennes et les historiens suivent-ils justement ces traces archivistiques? C'est ce que nous verrons avec Séverine Yatard, qui a préparé cette semaine avec nous, avec Michel Zancarini-Fournel, qui est professeur émérite à Lyon 1, elle est auteure d'une histoire des femmes en France, avec Philippe Artière et bien d'autres auteurs de 68, une histoire collective, et également de Des luttes et des rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, qui est sortie aux éditions Zone, c'était l'année dernière. Jacques-Olivier Boudon est également avec nous, il est professeur à Paris 4, spécialiste entre autres de la question napoléonienne, et il est auteur des Naufragés de la Méduse, c'était l'an dernier, et cette année du Plancher de Joachin, l'histoire retrouvée d'un village français qui vient de paraître chez Belin. Philippe Artière sera notre troisième invité. Il est directeur de recherche au CNRS. Il s'est intéressé depuis très longtemps, justement, aux archives qui permettent de découvrir, en particulier, les vies coupables. C'était au tout début de sa carrière d'historien, mais depuis, il a travaillé sur bien d'autres archives de gens qui laissent, justement, une petite mémoire dans les papiers que l'on retrouve dans nos armoires en particulier. Mais tout de suite, un nouvel épisode de la Fabrique de l'Histoire scolaire de Séverine Yatard et Véronique Samouilov. Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 1668-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie. Les dates de cet empire, oh, tout est prévu. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Les dates de cet empire, oh, tout est prévu. Est-ce que vous me voyez? La fabrique de l'histoire scolaire. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. La classe de 3e de Nicolas Charles, qui enseigne au collège des Deux-Vallées dans les Ardennes, a visionné le court-métrage d'animation « La tranchée », qui porte sur la guerre de 14-18. Les élèves doivent maintenant répondre à un questionnaire. Vous en êtes où là? Vous avez répondu à la première question. Ben, c'est, la tranchée, c'est comment dire, c'est on a creusé, on a mis des bouts de bois pour tenir et en fait on se cache à l'intérieur pour éviter les balles et les obus. Mais on est très serré, donc c'est un peu compliqué à traverser quand il y a plusieurs personnes, etc. Donc, on va écrire ça. Tout est sale, c'est recouvert de boue, c'est inondé, il y a plein d'eau. C'était pas propre, en fait. Je peux vous demander où vous en êtes? Vous avez bien avancé. Ouais. Oui. C'était la question pour savoir ce que c'était une tranchée. Et on a dit que c'était un fossé où les soldats vivaient et se protégeaient des ennemis et de leurs armes. Et ensuite, il faut répondre à la question pourquoi il y a autant de cadavres? Pourquoi il y en a autant? On a mis que c'était parce que c'était une guerre très meurtrière. Et après, pourquoi ils ne sont pas enlevés tout de suite? Bon, on n'avait pas encore trouvé. Pas le temps, il y a tellement de bombardements. Oui, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Puis ça aurait fait plus de morts si les autres venaient les chercher. Effectuer une recherche pour expliquer le vocabulaire spécifique de la guerre. Ouais. De position tranchée, boyau, ça c'est du vocabulaire que vous avez, que vous connaissez? Le boyau, ça me dit rien. Le man's land, c'est un endroit où il n'y avait personne. Désert. Et un abri, c'est les... En fait, les soldats plus gradés, ils avaient le droit à un abri. Et ils dormaient, enfin, plus protégés que dans les fossés. Visionner des films, vous trouvez que c'est... c'est intéressant de travailler comme ça sur la guerre de 14-18? Forcément, ça nous intéresse plus, parce que c'est plus quelque chose de moderne, et du coup, on a plus envie de regarder un film que de lire un livre. Première question donc, que je vous ai posée par rapport à ce court-métrage, est-ce que vous pouvez me décrire qu'est-ce que c'est une tranchée? Hein, d'après ce qu'on voit à l'écran, Ilona, qu'est-ce que c'est une tranchée d'après toi ? Alors, première chose, effectivement, c'est un endroit où vivent les soldats. Le but du jeu de la tranchée, ça a une fonction toute simple. Hein. Voilà, c'est de protéger les soldats, soit des bombardements, soit des tirs ennemis, effectivement. Donc, il y a le danger, j'allais dire, à chaque seconde, de mourir d'une explosion ou d'une balle ennemie. Deuxième question, Crémy, qu'est-ce que tu peux me dire ? Pourquoi y a-t-il autant de cadavres et pourquoi ne sont-ils pas enlevés tout de suite des tranchées ? Parce qu'ils n'ont pas le temps de retirer les cadavres. Oui, alors là c'est vrai qu'il y a ça, ils n'ont pas le temps, puis il y a le danger. Et la plupart des cadavres, en fait, ils ne sont pas dans la tranchée. Ils sont dans la zone entre la tranchée alliée et la tranchée ennemie. Comment s'appelle cette zone où se passent les combats, Anaïs ? C'est le no man's land, ce qui veut dire l'endroit où il n'y a personne. Et ce no man's land, il est représenté comment sur le film ? Au départ, pour protéger sa tranchée, on met des réseaux de quoi un peu partout qui permettent de limiter l'avancée des soldats. Barbelé. Voilà, hein, barbelé, arbre déchiqueté, trou d'explosion. Donc le No Man's Land, c'était une zone très inhospitalière où, comme vous avez pu voir sur le film, les cadavres souvent pourrissaient. Hein, c'était recouvert par la boue ou par ça parce qu'on ne pouvait pas aller les chercher parce que le feu ennemi, le bombardement ennemi était tellement important que c'était trop dangereux. Sur le petit 2, faire la guerre dans les tranchées, décrivez l'attitude des soldats dans ce film d'animation. Quelle est leur attitude des soldats ? Est-ce que vous voyez de la peur, du refus de se battre ? Ou au contraire, hein, qu'est-ce que vous voyez ? Et Laura ? J'ai l'impression qu'ils ont un peu peur, mais quand il faut y aller, ils y vont. Voilà, il y a cette idée, effectivement, hein, qui est une idée très importante à 14-18, cette idée que les soldats, malgré tous les dangers, ben, ils ont quand même joué leur rôle et sont quand même allés se battre l'essentiel de la guerre. Je dis l'essentiel parce qu'il y a une période en 1917 où il y a eu des refus de se battre, qu'on appelle les mutineries, qui, elles, ont été un moment important pour faire comprendre que la guerre ne pouvait pas continuer à être une boucherie telle qu'on vous la présente là. C'est-à-dire que les mutineries ont permis aux généraux de comprendre que les soldats n'étaient pas que de la chair à canon, ce qu'on a l'impression qu'ils sont dans ce film-là. Hein ? Toute dernière question, puis je crois que ça va être fini. Quels sont les dangers qui menacent les soldats lorsqu'ils sont dans la tranchée ? J'ai bien dit dans la tranchée. Il y a les maladies. Les maladies ? Les obus ? Les mauvaises conditions de vie. Hein, on a vu peu de ravitaillement, des choses comme ça. Voilà, ben, je crois qu'on peut vous remercier. Et ben, à lundi. Bonne journée. Voilà pour ce nouvel épisode de la Fabrique de l'Histoire scolaire que vous pouvez, comme tous les autres, télécharger séparément de l'émission du jour pour pouvoir garder l'ensemble de ces épisodes sur l'enseignement de l'histoire aujourd'hui en classe, donc préparé et réalisé aujourd'hui par Séverine Niattard et Véronique Samouilov. Bonjour Séverine Niattard. Bonjour. Vous êtes écoutée, vous avez écouté votre âge. Mon feuilleton. Voilà. Et vous êtes avec nous donc pour conclure notre série consacrée alors aux anonymes ou aux sans nom de l'histoire. On va d'ailleurs commencer à en discuter avec Michel Zancarini-Fournel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc je rappelle que vous êtes récemment l'auteur des Luttes et des rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, aux éditions Zone, avec Jacques-Olivier Boudon. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions Belin Le plancher de Joachin, l'histoire retrouvée d'un village français, une histoire assez extraordinaire que vous nous raconterez dans un instant, et avec Philippe Artière. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous également. Vous travaillez depuis longtemps sur des archives qui parfois ont été négligées par d'autres historiennes et par d'autres historiens. La première question, c'est une question tout simplement de définition. On a eu beaucoup de mal avec Séverine Niattard et toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire à essayer de donner un nom à cette série, parce que autant il est simple de parler, comme nous le faisions la semaine dernière, des héros, autant quand on parle de ces gens qui sont peu présents dans l'histoire très connue, on a du mal à les nommer. Michel Zancarini-Fournel, comment faut-il les nommer ? Complexe. Ça dépend complexe. C'est pour ça qu'on, commence par là. Il ne faut pas répéter non plus dans le même paragraphe ou la même page 10 fois le même terme. Oui. Bon, moi, je pars de dominer. Je pars de dominer parce que je me suis appuyée, entre autres, sur les analyses de Gramsci sur la question de la domination et puis de comment un certain nombre de gens, en particulier dans les campagnes méridionales, par une série d'actions, de chansons, de folklore, dit Gramsci, se positionnent par rapport à cette domination. Et prennent la parole d'une certaine façon. D'une certaine façon, ils prennent la parole, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'emploie plutôt le terme de dominer. Et vous, Philippe Artia, vous l'appelleriez comment ? Alors, moi, je commencerai par dire que ce ne sont pas, comme on dit, des catégories indigènes, c'est-à-dire ce ne sont pas les hommes et les femmes du passé qui, à un moment donné, se sont appelés les sans-nom. C'est d'abord une situation où on a soit considéré que c'était des gens à condamner. Et donc, c'est ce qui a constitué beaucoup, l'historiographie, donc des sans-voix, mais en fait... Les archives de police, voilà, les archives judiciaires. Après, il y a cette question de nous, historiens, qui ne venons pas comme des policiers, mais qui venons quand même comme... C'était la première phrase de mon premier livre que vous avez eu la gentillesse d'évoquer. Le il y a bien longtemps, c'est que l'historien est un voleur. C'est-à-dire, c'est un voleur, et non seulement un voleur, mais quelqu'un qui va montrer du doigt. C'est un délateur, d'une certaine manière, et sortir des gens qui n'ont rien demandé. Ils étaient peut-être bien où ils étaient. Ils étaient peut-être très bien dans leur anonymat. Et c'est la seconde question qu'il faut peut-être se poser. C'est-à-dire, dans quelle mesure il y aurait une histoire de l'anonymat, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas voulu laisser de traces. C'est ce que nous disait Michel Biard à propos de la Révolution française. Tout compte fait, il y a tout un tas de gens qui, pour des raisons légitimes ou moins légitimes, ont préféré fuir devant les papiers d'identité naissants au XVIIIe siècle, devant la conscription au XIXe siècle, et faire en sorte qu'ils n'apparaissent nulle part, d'une certaine façon. Ou alors... Pour rejoindre Michel Zancarini-Fournel, peut-être aussi des gens qui ont souhaité ne pas avoir un nom, mais avoir participé d'un collectif. Oui. Mais pourquoi l'historien ? La première question, c'est quand même ça. C'est pourquoi l'historien va s'intéresser à ces sans-noms, à ces personnes qui ont quand même laissé des traces, mais pas de manière visible, qui sont pas forcément qui ont été pas forcément classées, mises en valeur par notamment les archives, parce que eux n'ont rien demandé a priori. C'est tout d'un coup les historiens vont s'intéresser pour faire une autre histoire, pour écrire une autre histoire à ces personnalités sans nom, sans voix, Jacques-Olivier Boudon. Moi, je m'intéresse à un personnage qui a une histoire et qui veut qu'on la connaisse. Alors, c'est différent. Mais pour répondre à la question précédente, si on travaille sur l'époque contemporaine, en particulier depuis la Révolution française et même avant, tous les individus qui ont formé la population française sont identifiés. Donc, on ne peut pas parler d'anonyme, puisqu'il suffit d'aller dans les registres paroissiaux, d'aller dans les registres d'état civil, et on retrouve tous ces personnages. On peut les retrouver à d'autres moments, à travers les sources de l'enregistrement. Et même Louis-Ferdinand Pinagot est identifié. Tout à fait, lui est identifié. Donc, toute personne sur laquelle on veut faire des recherches, on peut les identifier. J'avais fait cette démonstration dans Les naufragés de la Méduse en m'intéressant aux victimes du naufrage dont on ne parle jamais. Eh bien, on peut les identifier parce qu'il y a des registres des régiments coloniaux, en l'occurrence, parce qu'il y a les registres des marins qui étaient présents. Donc, on peut même identifier le petit Mousse de 12 ans qui est mort noyé. Je n'agirais pas l'idée de parler d'anonymes. En revanche, ce sont des gens simples, effectivement, des gens du peuple. Des anti-héros. Qui peuvent devenir des héros, d'ailleurs. Éventuellement. On le voit justement dans Les naufragés. Mais parler de dominer, c'est déjà se placer dans une configuration de... on va dire de lutte des classes, qui est peut-être pas toujours le cas. Et je pense qu'un certain nombre de ces hommes ou de ces femmes, de ces enfants, vivent une vie qui est... ordinaire, une vie ordinaire. Oui, c'est d'ailleurs un des termes qu'on oui. utilise souvent, oui. les vies alors, ordinaires, par les exemple. Les écritures ordinaires. C'était vraiment, et ça c'est venu, encore une fois, pour Philippe revenir Artière. Sur l'histoire de cette, de ce questionnement historique. Oui. C'est venu par l'anthropologie. Hein, c'est, on peut rendre hommage à Daniel Fabre, mais aussi à toute cette historiographe, enfin cette anthropologie française qui s'est intéressée, comme je dirais Pierre Michon, à ses vies minuscules. Daniel Fabre ou Françoise Zonabend ont travaillé sur ces alors sans on disait des gens simples du buffet des gens de peu du commun etc mais quand mais même dans un je but crois, précis hein oui. partir pour s'intéresser aussi à des pratiques quotidiennes oui et donc au non événement d'une certaine manière mais là où je suis entièrement d'accord avec Michel Zancarini Fournel c'est quand même que il ne faudrait pas penser qu'il n'y a pas eu des mises en silence que oui. Et que l'histoire et c'est bien ce qui anime je crois le travail de Michel est aussi une mise sous tutelle. Mmh. Michel Zancarini Fournel justement. Oui, je voudrais réagir par rapport à ce qui était dit. D'abord, je ne pense pas que tout le monde ait une identité et en particulier sans revenir sur l'émission d'hier, les esclaves n'ont pas d'identité. Et on met très longtemps, en 1848, quand théoriquement il y a le suffrage universel masculin, à donner une identité aux esclaves. Donc c'est déjà exclure une partie de la population. Par ailleurs, je discuterai le terme, si tu me permets Philippe, de catégorie indigène. Parce que je suis toujours gênée pour ce... Je sais que c'est un terme employé par les sociologues et les anthropologues, les politistes et les historiens, mais je suis toujours gênée par cette définition, ce terme indigène, qui a un autre sens aussi dans la langue et dans l'histoire, et je pense qu'on devrait réfléchir à trouver un autre mot que catégorie indigène. Voilà. Mais là, on voit bien effectivement que tous les qualificatifs qui ont été prononcés depuis le début compliqués. De cette émission sont compliqués. Il y en a aucun qui semble convenir. Quant à dominer, décrire les formes de domination, c'est pas forcément être en tête d'une manifestation et de la lutte de classe. Je pense que dans une histoire du quotidien des habitants de l'Hexagone et autres et des colonies, la question soit forcément de la lutte de classe et décrire ce quotidien-là, c'est aussi décrire des formes de domination. D'ailleurs, vous le dites vous-même, Michel Zancarini, dans votre article sur les subaltern studies et leur difficulté finalement à pénétrer aussi en France, que parce que justement il y avait trop d'histoires marxistes d'une certaine manière qui ne s'intéressaient pas assez au quotidien, qui avaient peut-être bloqué toutes ces problématiques donc afférentes à l'intérêt qu'on peut porter aux pratiques du quotidien, aux vies ordinaires et également. Oui, Michel. Oui. Les subalternes, il faut préciser à nos auditeurs ce qu'on appelle ainsi, comment on pourrait traduire la catégorie de subaltern studies telle qu'elle est utilisée par les chercheurs aux États-Unis par exemple. Histoire sociale. Mais ça, c'est beaucoup mieux, on connaît sa histoire sociale. Voilà. Ben oui. Alors, prenons l'exemple que vous nous donniez tout à l'heure, qui est au cœur de votre dernier livre, Jacques-Olivier Boudon. Je l'ai dit, vous êtes spécialiste de l'histoire napoléonienne, et je dois le reconnaître, je vous attendais peu, même si Les naufragés de la Méduse, votre livre précédent, nous a habitués justement à cet intérêt pour des gens qui sont assez peu documentés dans l'histoire. Sur le terrain de Joachim. Alors, Joachim Martin, c'est ça ? Joachim Martin. Qui est un menuisier. Menuisier qui vit dans les Hautes-Alpes à la fin du 19e siècle et dont on a retrouvé, alors ça c'est une archive extraordinaire, ça n'est pas vous qui l'avez retrouvé. Non. Ce sont les gens du village qui, faisant refaire le plancher du château, ont noté que sous les planches du plancher, il y avait une écriture, et cette écriture était celle de Joachim Martin, menuisier, qui avait posé le plancher, et qui, en 20 000 signes, dites-vous, pour l'instant, parce que tout le plancher n'a pas été rénové, on peut espérer qu'il y en a encore d'autres à trouver sous d'autres chambres de ce château, a laissé un témoignage de sa vie quotidienne, de ses jugements sur le monde, alors qu'il avait laissé peu de traces dans les archives traditionnel, Jacques-Olivier Boudon. Oui, nous sommes à peu près en 1880-1881, c'est lui qui le dit, écrit ta date, écrit ton nom. Oui, parce qu'il est obsédé par le temps. Il est obsédé par le temps. Heureux mortel, quand tu me liras, je ne serai plus. Donc c'est un menuisier qui pose le parquet, et je précise qu'il écrit sur les planches, enfin sous les planches, parce qu'on croit parfois, quand j'explique cette histoire, qu'il a glissé des papiers sous le parquet. Non, il écrit sous les planches, et il sait que le plancher ne sera pas refait avant 60 ou 80 ans, que donc il sera mort. Et c'est ce qui est arrivé, puisque le plancher a été refait par les propriétaires au début des années 2000. C'est le château de Picontal, je précise, dans la commune de Croc, près d'Embrun, pour localiser les choses. Donc il écrit, alors évidemment c'est une forme de journal, mais c'est un journal qui n'a pas de sens. On ne sait pas dans quel ordre il a écrit ses propos, et on ne sait pas non plus quand il commence, quand il s'arrête, s'il a pratiqué cela dans d'autres maisons où il a travaillé. Bref, je n'ai qu'un extrait, je n'ai que des extraits, mais à partir de ces bouts de phrases, à partir de ces mots, j'ai pu construire à la fois reconstruire la vie du personnage, évoquer le cadre, et aussi m'intéresser à ce qu'il dit, parce que ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus spectaculaire, c'est qu'il parle de tas de choses dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler, en particulier par les gens du peuple. Il parle de sexualité, beaucoup. Est obsédé par les questions sexuelles, il parle de ses contemporains, il parle du curé, il parle du maire, de ses voisins, il décrit des infanticides, enfin tout y passe d'une certaine manière, c'est assez hallucinant. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai qu'il aurait pu écrire un journal intime, hein, comme beaucoup de journaux intimes, qui sont comme ça découverts après la mort de leur auteur. Mais alors lui, il est menuisier, donc ça ne fait peut-être pas partie de ses pratiques, et donc il décide d'écrire sur des planches. Il écrit sur des planches, donc il a toujours... Un message secret. C'est un message secret. En fait, un journal aurait pu être découvert, et on sent qu'il ne veut pas que ce qu'il écrit soit connu avant sa mort, parce qu'il dit des choses... Mais il le souhaite bien après. Par contre, oui, il souhaite que voilà. La postérité il veut la que la postérité... Hein. Sache ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu, les crimes dont il a été le témoin, et donc il écrit ce témoignage. Alors, pour préciser les choses, il a écrit d'autres textes, et j'ai eu la chance de retrouver, en particulier une pétition qu'il a signée avec d'autres villageois, une lettre qu'il a écrite au préfet. Pour dénoncer le curé. Le curé, en l'occurrence, puisqu'on est là au cœur des années 80. Un curé qui lutine un peu trop ses paroissiennes et qui s'approche un peu trop de sa femme à lui, en particulier. Voilà, qui est un peu trop prévenant avec les paroissiennes, qui est très curieux en confession. Ça, je vous laisse découvrir le questionnaire de ce curé à ses paroissiennes. Bah, du coup, ça nous donne des indices sur les pratiques sexuelles. Serait calcitrant, envoya appeler la femme c'est sa femme, plusieurs fois sans rien obtenir. Depuis cette époque, la femme n'a plus remis les pieds à l'église et les enfants très peu, et dit « Je lui trouve un grand défaut de trop s'occuper des ménages, de la manière que l'on baisse sa femme, combien de fois par mois, si on la saute, si on fait levrette, si on l'encule, enfin, je ne sais combien de choses qu'il a demandé et défendu à toutes les femmes du quartier, de quel droit misérable qu'on le pende ce cochon. » Ça, c'est écrit sous le plancher. C'est écrit sous le plancher. Tout n'a pas été facile à déchiffrer, notamment les derniers mots, mais voilà ce qu'il écrit. Voilà. Donc, on voit là, effectivement, un témoignage qui est destiné à être lu beaucoup plus tard, ce qui n'est peut-être pas le cas très fréquemment dans les écrits que vous avez vous-même consultés, en l'occurrence Philippe Artière. Oui, ce qui me frappe dans le cas que vous venez de décrire, c'est effectivement ce support. Et je pense que le support des écritures de l'homme ordinaire, on va dire, sont extrêmement importantes à analyser, regarder. Et là, on voit bien que c'est un support qui a vocation à être découvert, mais bien plus tard. Donc, c'est des écrits destinés et qui ne sont pas destinés à ses contemporains. Je prendrais un exemple à l'opposé, parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur les petites annonces de Libération au début des années 80 et de ce supplément qui s'appelait Sandwich. Sandwich, c'est une forme d'écriture anonyme, même s'il y a un numéro de téléphone et un prénom. Mais disons que c'est ce qu'on pourrait appeler des écrits éphémères. Ce sont des messages qui disent « Je t'ai rencontré dans le métro, t'es jolie, t'avais un petit jean moulant et les yeux verts. Appelle-moi Olivier. » Ou écrit au journal. Et là, ce que je veux dire par là, c'est que une des questions essentielles, je crois, pour définir ce qui nous intéresse, c'est la question des sources. évidemment. Oui. C'est les sources qui déterminent, d'une certaine manière, si votre charpentier, enfin votre était finalement un ordinaire ou un extraordinaire ordinaire. C'est-à-dire que, et c'est une catégorie auquel je tiens, c'est-à-dire que très souvent, on l'a vu grâce à la microstoria, en fait, ce n'étaient pas des hommes ordinaires, c'était des extraordinaires ordinaires, c'est-à-dire que Menocchio n'est pas un meunier ordinaire du Frioul, c'est une blague. Et d'ailleurs, vous faites la référence en ouverture de votre livre sur le plancher de Joachim, justement, à Menocchio et à Carlo Ginzburg. Oui, parce que je pense que Joachim Martin est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. On ne peut pas, il n'y a pas d'autre exemple de ce type. Donc, de ce point de vue-là, il est extraordinaire. Mais il est tout de même le représentant d'une catégorie sociale dont on parle assez peu parce que, justement, on manque de sources. Michel Zancarini Fournel, sur une discussion comme celle-ci, justement, si on veut avancer, il y a, on l'a dit depuis le début, la difficulté à qualifier ce que sont ces gens. Il y a aussi ce que disait Séverine Yatard, l'intérêt de l'historienne ou de l'historien pour ces personnages-là qui laissent peu de traces. Et d'une certaine façon, le goût de l'enquête. Parce que tout compte fait, Carlo Ginzburg, c'est aussi cela. C'est aussi la trace, l'enquête qui, parfois, n'est pas une enquête policière, mais peut, d'une certaine façon, se rapprocher d'une enquête policière à travers le temps, Michel Zancarini-Fournel. Oui, je pense que effectivement, il faut pallier l'absence parfois de textes dans un temps plus éloigné, et que c'est justement en confrontant des sources d'ordre divers et en examinant les biais, bien sûr, que l'on peut aussi avoir une idée de cette vie quotidienne et puis de ces réactions de gens qui n'ont pas pris la plume, qui ne pouvait pas l'apprendre. Parce que parfois, ils ne savaient pas écrire. Voilà, et je pense que, par exemple, dans les rapports de police, alors c'est encore quelque chose sur les esclaves, mais je pense à un rapport de police de Guyane, où on décrit très précisément les pratiques de marronnage dont vous avez parlé dans l'émission d'hier, et on décrit très précisément le groupe qui est parti en marronnage, ce qu'il a fait, quels étaient ses sentiments, et on peut se fonder là-dessus, hein, évidemment, toujours travaillant sur la question des biais. Il y a l'idée aussi que par l'accumulation de ces indices sur une culture populaire, par exemple, je pense à Richard Hogarth, évidemment, qui a été pionnier dans cette question-là, en disant cette culture du pauvre, on ne peut la comprendre qu'en allant directement introspecter, aller vu d'en bas, quoi, aller solliciter des témoignages, et par l'accumulation de ces témoignages, eh ben, effectivement, on pourra mieux comprendre, entre guillemets, cette classe sociale, cette catégorie. Michel Zancarini, l'accumulation des témoignages, je ne suis pas complètement... Ou des indices, par le... Ça n'est pas le nombre qui fait la qualité de l'archive, en l'occurrence. L'archive, mais de la généralisation, ou pour écrire une histoire populaire, par exemple. Si on veut se... Enfin, je suis pas sûre qu'on puisse définir comme ça une culture populaire homogène, d'en bas. Mais en fait, que c'est en passant par les traces des individus dans des moments spécifiques et dans des conjonctures spécifiques qu'on peut arriver à retrouver le grain de l'histoire. Et en faisant... Je crois que c'est vraiment important d'insister sur le fait que cette histoire des individus ordinaires, des femmes et des hommes ordinaires, elle ne veut pas non plus, enfin, elle ne nie pas l'événement. Et et au contraire, l'événement, la révolution, une émeute, un crime, etc., sont des moments où, justement, il y a une cristallisation. Mmh. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis un certain nombre d'années maintenant, les historiens, plutôt que de s'intéresser à ces traces pour documenter ou questionner l'événement, en fait, les lisent d'une autre manière. Mmh. C'est-à-dire, les lisent... les historiennes des femmes et les historiens des femmes les lisent pour documenter les rapports de domination masculin-féminin. Et on peut lire, par exemple, je pense à ce cas un peu exemplaire de Métron lisant les billets. Jean Métron, donc, qui est initiateur du Grand Dictionnaire du Mouvement Biographique Ouvrier. Ouvrier, et lisant les lettres anonymes au moment de la grande vague anarchiste de la fin du 19e siècle. Pour lui, c'était pour documenter ce moment anarchiste. Et en fait, ce que ça documente aussi beaucoup, quand on retourne aux archives de la préfecture de police de Paris, ça documente les rapports des locataires avec les propriétaires, des ouvriers avec leurs patrons, et donc toutes sortes de questions, ou des femmes avec leur mari. De même, on pourrait le dire, des lettres de cachet qui ont été lues dans un rapport au roi, et en même temps qu'on peut lire comme les lettres de cachet, donc fin 18e, qui sont des documents qu'on, encore une fois, c'est le regard de l'historien aussi qui crée d'autres. Oui, parce que Jacques-Olivier Boudon, dans Le plancher de Joachim, donc l'histoire retrouvée d'un village français, tout compte fait, Joachim parle de tout. Vous dites, il parle de sexualité. C'est vrai qu'il parle de sexualité, mais il parle de la vie politique locale. Il parle des conflits entre le châtelain local et les autres membres de la communauté villageoise. Il parle du conflit avec le curé. Il parle des élections. Il parle d'à peu près tous les sujets qui anime la communauté villageoise dont il fait partie. Oui, il évoque même des faits divers, ce qui prouve qu'il est beaucoup plus sensible. Par exemple, il évoque Troppmann, il évoque les grands scandales, pourrait-on dire, de faits divers, sont relatés derrière une des planches de... Il les évoque, les décrit pas, il les évoque. Oui, mais vous posez la question de savoir si... Il n'est pas influencé par ses affaires pour écrire de cette manière-là. Probablement, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est que ses affaires avec dissimulation de cadavres, etc., c'est ce dont il parle aussi à propos d'infanticide, probablement qu'il a été influencé et que tout cela s'entrechoque dans son esprit. Effectivement, il parle de tout. Alors, il parle des ouvriers piémontais qui viennent travailler pour construire le chemin de fer, parce que c'est le moment à cet endroit-là. Voilà. Il parle. Alors, ce qui est intéressant, c'est le témoignage qu'il livre sur sa perception de l'avènement de la République des Républicains, oui. Comme on dit. La République a fait de belles choses en 1880. Parce qu'il travaille pour un châtelain qui, lui, est un royaliste légitimiste. Donc, a priori, on se dit qu'il est dans le château de ce royaliste qui n'est pas là souvent parce qu'il travaille ailleurs. Mais néanmoins, il doit y avoir des conflits. Il n'en fait pas mention, en l'occurrence, des conflits avec Monsieur Roman, en l'occurrence. Oui. Mais néanmoins, on sent qu'ils ne sont pas d'accord, a priori, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il n'est pas royaliste et légitimiste. Lui, il trouve que la République a fait de belles choses, y compris d'aller conquérir la Tunisie. Tout à fait. À ce moment-là, le châtelain, donc, qui est Joseph Roman, c'est le père de la dynastie des Romans d'Amat, dont on connaît le directeur du dictionnaire de biographie qui a été conservateur à la Bibliothèque nationale. Ils s'entendent assez bien puisqu'ils regrettent, en 1880, qu'il n'ait pas pris le fauteuil de maire. C'est vrai qu'il est royaliste, mais apparemment, dans leur conversation, il ne l'a pas tout à fait senti. En revanche, ensuite, et d'autres documents le montrent, les deux vont se retrouver dans des camps différents. L'un défend le curé, par exemple. Martin est un républicain anticlérical, et Joseph Roman va défendre le curé bec et ongle, alors qu'il est maire. Oui, par exemple, cette petite notation de cette défense de la République, je crois que je peux la retrouver parce qu'elle est très courte et elle est très intéressante. En l'occurrence, derrière ce plancher sur lequel écrit « La République a fait de belles choses en 1881 ». Janvier et février a fait fermer 200 couvents, diminuer les curés et évêques d'un tiers, a prohibé les croix aux cimetières et honneurs fantasques. Les religieuses ont été retirées des écoles publiques, mis le service militaire à 40 mois de présence, au corps augmenté des pensions militaires, augmenté les gradés, verso de cette planche, dépensé 10 millions au fort de Briançon, dépensé 110 000 francs dans le torrent de Vacher pour des plantations, 4 milliards qu'elle a dépensé en France pour les écoles publiques, conquis la Tunisie, Sud-Afrique avec 60 millions de dépenses et peu d'hommes, jamais avait vu semblable. En l'occurrence, c'est intéressant, Michel Zancarini-Fournel, qu'un républicain, comme le dit d'ailleurs Jacques-Olivier Boudon dans son livre, il est très proche d'une position ferriste. C'est Jules Ferry qui parle d'une certaine façon. Il est à la fois colonisateur et républicain, défendant la République contre l'Église, et colonisateur à la fois. Ben oui, et ce qui vient d'être dit par rapport à nos essais de définition de termes, etc., montre que la question du contexte est absolument fondamentale, ben ouais. Et qu'on ne peut pas analyser à la fois les catégories et les termes, à la fin du 19e siècle, avec l'arrivée du chemin de fer, de la République et des colonies, enfin elles sont arrivées avant, mais bon, et deux siècles avant. Donc je crois que c'est, il faut quand même être assez souple et prendre en compte ce que soulignait Philippe Artière, c'est-à-dire la question du positionnement dans le contexte et dans l'événement. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas parler, disons, des anonymes de l'histoire qui courraient tout au long de l'époque moderne et contemporaine. Il faut les placer chacun dans le moment où ils se trouvent, c'est ça? C'est ce que c'est vous ça, voulez voilà. Philippe Artière. Oui, et je crois que de ce point de vue-là, la pensée de Foucault, encore, est extrêmement utile, parce que c'est... cet acte de Joachim, c'est un moment de subjectivation, enfin, comme pour le dire en termes de Foucault, c'est-à-dire c'est un moment où quelqu'un dit « je vais rentrer dans l'histoire ». Voilà. Mais d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est qu'il le dit vraiment. Je peux vous citer le passage où il le dit, qui est quand même très étonnant. Il a conscience que ce qu'il est en train de faire en écrivant sous son plancher, c'est entrer dans l'histoire. « Depuis 55 ans que nous travaillons ici, nous n'avons rien trouvé qui indique « histoire » avec un grand H. Pas un coup de plume, ni crayon. Ne fais pas comme eux, écris toujours ta date, 1880 ». Ça, c'est incroyable. Ça avait des frissons. Ça démontre aussi que ce n'est pas seulement un concept qui, disons, est joli à mettre dans une note de bas de page, une thèse de l'université française ou américaine. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant et important, mais aussi rare. Oui. C'est-à-dire que rare dans la conservation. Se penser comme un sujet de l'histoire. Parce que oui, et dans tout ce questionnement qu'on a, c'est effectivement que ce qui est conservé, c'est très peu de tous les mouvements de subjectivation. Ah, parce que comme le disait Michel Zancarini-Fournel, une chanson, un cri, ça peut être des moments de subjectivation. Et ça, les archives ne le retiennent pas. Certaines archives de police le retiennent, mais il ne faut pas oublier non plus que les archives, c'est une invention récente. Enfin, récente. Pour le 18e, on a ce grand moment documentaire. Nous, pour le 19e et le 20e siècle, on a pléthore d'archives. Mais avant, c'est très compliqué. Mm-hmm. Jacques Olivier Boudon, cette question du sujet dans l'histoire. Alors, je reviens sur la question du contexte, effectivement, parce que il date, 1880, la République. Mais pour le reste, il ne parle jamais des régimes politiques, par exemple, ce qui est assez frappant. En revanche, il cite des noms. Ouais. On ne sait pas si c'est un autre plancher à découvrir, parce que maintenant, on a envie d'aller... Voilà. On va aller casser toujours, le château pour prudent, voir ce qu'il y a sur les autres planchers. Les propriétaires sont presque prêts à faire passer une petite caméra sous le parquet des planches, des chambres qui n'ont pas changé le plancher. Peut-être qu'ils nous écoutent, ça serait intéressant. Mais enfin bon, de toute manière, là n'est pas la question, mais le contexte est effectivement très important. Et en revanche, Joachim, par exemple, donne des noms et des dates et remonte à la Révolution française. C'est quand même assez étonnant, là aussi. Parce que pour lui, il parle en an 2, il parle en 1795. Il refait l'histoire des maires de son village depuis la Révolution française jusqu'à 1880. Donc il a belle trace de l'histoire. C'est quand même pas mal de savoir ça. Ça veut dire qu'il a une conscience historique. C'est ce que dit d'ailleurs très bien un autre historien de Napoléon qui est Sudhir Hazaricin, quand il dit on pense en période historique, on fige les périodes historiques, mais le dernier grognard de Napoléon célébré dans un village du Var, c'est en 1880, donc exactement au même moment où écrit Joachim. Il y a même des survivants jusqu'à la fin du siècle qu'on a retrouvés jusqu'au fin fond de la Russie. Et donc dans ces cas-là, effectivement, ça change la vision que l'on peut avoir, parce qu'évidemment, pour tout le monde, Napoléon, c'est le début du 19e siècle, mais pour tout un tas de contemporains, la trace napoléonienne persiste encore dans les corps de ceux qui ont combattu à ses côtés jusqu'à la fin du 19e siècle, ce qui est quand même très intéressant. Et ça, on l'a récemment vu encore dans toutes ces polémiques aux États-Unis autour des monuments sur la guerre de sécession et les monuments pour les fédérés, puisque la majorité de ces monuments apparemment ont été érigés dans les années 20, parce que c'était la fin ils avaient survécu jusque-là. enfin, ouais, d'une certaine manière. Et c'est, je pense que c'est important de revenir sur cette question du rapport des acteurs de l'histoire, aussi silencieux soient-ils, à la notion même de passé et à l'histoire. Et peut-être d'avenir pour eux. Et d'avenir. Et ça, bon, c'est quelque chose qu'on avait bien vu chez Corbin, dans son Pinago, où il s'interrogeait sur le rapport que les acteurs de l'histoire avaient. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que la pratique du plancher, là, on l'avait jusqu'à présent non pas mise du côté de l'histoire ordinaire, mais de quelque chose que vous n'avez pas du tout nommé pour l'instant, et qui est, disons, ce qu'on appelait l'art brut. Ouais. Hein, ce sont les fous qui écrivent sur les planchers. Oui. Et ce qui est très intéressant, Gaston, c'est Chessac, que Gaston Chessac, voilà, le professeur Boudon, lui, là, le voit comme une écriture de l'histoire et non comme un fou. Souvenez-vous du début de l'histoire de la folie, où Foucault évoque ce laquais qui écrivait la nuit ses mémoires. Et c'est ça que je trouve passionnant. Oui, ou Séraphine de Senlis, voilà, tout un tas etc., de... Voilà, etc. Oui, effectivement. Et donc, vous voulez dire qu'on a changé de regard. On peut changer de regard. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement une histoire de fou. Effectivement, on pourrait dire, Joachim, c'est un fou, puisque cette histoire incroyable d'écrire sous un plancher qui ne sera jamais découvert avant 70 ou 80 ans, ça peut être un signe de folie. Et vous ne le prenez pas comme tel, en l'occurrence, Jacques Olive. Pas du tout, non. Vous prenez au sérieux. Mais, oui, c'est ça. Michel Zancarini-Fournel, sur ces questions de regard et de découverte du regard de l'historien qui fait découvrir des archives, qui fait qu'en fait, au bout du compte, eh bien, ce qu'on pensait ne pas exister finit par exister. Dans Les luttes et les rêves, c'est exactement cela. C'est-à-dire que vous racontez cette histoire des dominés en allant la chercher, en grattant dans des endroits, dans des coins, pourrait-on dire, de l'historiographie, où peu de gens, je ne dis pas personne, n'étaient allés avant vous. Si, je crois qu'ils sont allés... certains nombres sont allés avant moi. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai trouvé dans leurs écrits ce que je cherchais, c'est-à-dire des traces, justement, de ces personnes ordinaires, hommes et femmes, et d'essayer de les faire exister, retrouver leur passé, de façon à ce qu'ils apparaissent dans le présent. Qu'est-ce que vous cherchez qui ne soit pas... la volonté de ressusciter les morts, telle que la voulait, par exemple, Michelet. Qu'est-ce que vous cherchez dans cette idée d'aller rendre grâce, faire en sorte, faire justice? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette tentative, Michel Zancarini-Fournel? Faire connaître et faire savoir qu'il y a un passé qui s'est déroulé de pas tout à fait de la façon dont il est raconté, et qu'il y a des personnes qui ont vécu, qui ont agi, qui sont exprimés, qui sont rébellés. Pas toujours, hein. On vit. Ou qui ne se sont pas rebellés. Ou qui ne se sont pas rebellés, hein. Mais qui ont existé et que l'histoire est aussi constitutive de ces passés-là qui sont complètement oubliés. Donc c'est une forme de réparation, j'aime pas le mot, mais enfin c'est une forme aussi de réécriture d'un récit. De l'histoire. En général. Oui. Jacques-Olivier Boudon. Oui, je partage tout à fait ce point de vue. Si on prend un autre exemple, celui des soldats de l'armée napoléonienne, mais d'autres armées, je prends cet exemple que je connais mieux. Les lettres qu'ils écrivent à leur famille ne racontent pas nécessairement le combat auquel ils ont participé. Ça peut être frustrant pour l'historien des batailles, mais en revanche, ils s'intéressent au fait de savoir si la récolte a été bonne, si la vache a eu son veau, etc. De très loin, ils se préoccupent de la situation de leur village et donnent par ce biais des indices sur la vie quotidienne aussi de l'époque. Et c'est par exemple aussi sur une nouvelle hiérarchie, pourrait-on dire, de leur part, de ce qui est important et de ce qui l'est moins. C'est-à-dire qu'ils sont dans un combat qui apparaît comme un combat titanesque, les guerres napoléoniennes, qui a été valorisé par certains, etc. Et eux, ce qui leur préoccupe, c'est peut-être autre chose que justement de raconter la bataille. Oui, Michel Zancarini-Fournel. Oui, mais pour prendre cet exemple justement des lettres des soldats des armées napoléoniennes, Moi, ce qui m'a frappé et ce qui permet de faire une histoire qui soit pas ce que j'appelle une histoire sainte ou une histoire en noir et blanc, c'est que ces soldats qui, par ailleurs, pillaient, violaient, massacraient, écrivaient des lettres absolument d'une tendresse absolue à leur maman. Et donc, ces figures-là, on a des figures complètement complexes, ambivalentes. On peut dire, ambivalentes. Et de ce point de vue-là, ça me paraît aussi intéressant. Jacques-Olivier, oui, parce qu'il y a aussi des codes dans l'écriture de la lettre, et en particulier parce qu'un certain nombre de ces soldats dictent. Et donc, on sait qu'il y a aussi des manières d'écrire, des formules que l'on retrouve d'une lettre à l'autre. Donc, c'est la limite aussi de ce type de source. Philippe Artier. Oui, moi je crois que l'intérêt de cette histoire là qu'on peut nommer, comme on l'a vu, de différentes manières, c'est aussi de remettre du complexe. L'histoire, pour citer Michel Perrault, l'histoire, c'est difficile. c'est vrai. Au bout d'un moment, on a l'impression qu'il y a toujours les bons, les méchants. Ces soldats, ils écrivaient des mots d'amour. Et il y a en permanence cette tension-là, des rapports de force. On l'a vu, l'histoire des femmes l'a très bien montré. C'est-à-dire que il y a une domination masculine, mais en même temps, il y a aussi des femmes qui ont des rapports de pouvoir, etc. Et que l'histoire, on arrivera, j'espère, à une histoire de l'esclavage où on verra comment ça se passait aussi dans les plantations et qu'il y avait du caïda, etc. C'est ce dont on a parlé hier, justement. Et tout ça. Et ça, je crois que c'est très intéressant. Et c'est peut-être ça qui est au cœur de l'enjeu majeur de cette histoire anonyme, de cette histoire, disons, silencieuse. C'est de réintroduire de la complexité et des rapports de force aussi, ce petit grain, quoi. Et c'est intéressant parce que dans une société, on est plutôt dans l'éloge de la simplification permanente. Alors du coup, l'éloge de la complexité, voilà. Est-ce que les historiens vont continuer en tous les cas ou arriver à... Il y a cette formule, je crois qu'on partage avec Michel Zancarini-Fournel d'Edouard Glissant, qui était le droit à l'opacité. Oui. Jacques-Olivier Boudon, justement, sur ce petit grain dont parlait à l'instant même Philippe Artière, c'est-à-dire effectivement rentrer dans une finesse telle qu'au bout du compte, non pas les personnages s'estompent, mais ils deviennent plus intéressants, plus chatoyants peut-être même, par leur complexité. Moi, je considère que, justement, l'histoire doit être écrite en montrant qu'elle n'est pas ce qu'on pense, que ça n'est pas simplement un déroulé chronologique avec les événements que l'on connaît. L'histoire, elle se nourrit précisément de tous ces micro-événements, de toutes ces réactions, parfois spectaculaires, et c'est ce qui aussi permettra, je pense, au lecteur, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on écrit de l'histoire, on raconte aussi. Il ne faut pas oublier le lecteur, et je suis convaincu qu'il faut aussi savoir raconter des histoires et revenir à des choses simples, ce qui n'empêche pas d'avoir un regard complexe et de voir la complexité des choses, mais en le disant parfois simplement, on permet au lecteur de voir que précisément les choses sont beaucoup plus compliquées qu'il ne l'imagine. C'est ce que d'ailleurs vous disent vos lecteurs, qui ont été nombreux, en l'occurrence Michel Zancarini-Fournel pour Les Luttes et les Rêves, quand vous discutez avec eux. Oui, je crois, j'ai reçu des témoignages très intéressants justement de personnes qui en lisant le livre m'ont fait part de ce qu'ils avaient cherché sur leur propre histoire familiale, individuelle, et c'est tout à fait émouvant de voir qu'il y a d'abord ce dialogue entre celui ou celle qui écrit et puis celui ou celle qui lit, et la façon dont c'est lu, c'est-à-dire que c'est un deuxième moment, on peut dire. Jacques-Olivier Boudon. J'ai vécu la même expérience avec Les Naufragés de la Méduse. À chaque fois que je faisais une conférence ou une dédicace, je voyais arriver des descendants de rescapés. C'est-à-dire, en fait, il y a quelques descendants des rescapés qui étaient sur le radeau, mais il y a aussi tous ceux qui étaient sur la Méduse. Il y a quand même eu 400 personnes, et tous les descendants ont conservé la mémoire de cet événement, ce qui est quand même assez étonnant, et veulent en savoir plus. Alors moi, je vais mettre un bémol. Très bien. Parce que il se trouve que, ayant travaillé sur des gens parfois peu recommandables, eh bien, il n'y a pas beaucoup de descendants qui m'ont écrit. Et donc, il y a aussi ça. C'est-à-dire que... Bien sûr, il faut le dire, ça. Il faut quand même dire que l'histoire des anonymes et l'histoire des anonymes qui a juste été... Enfin, leur présence, parce que pour qu'ils existent, elle a été tracée sur un registre de police, sur une main courante. Eh bien, je dois dire que je n'ai jamais... rencontrer de descendants ayant droit des parricides et autres criminels. Et d'ailleurs, c'est très étrange dans votre livre Le Plancher de Joachim, Jacques-Olivier Boudon, parce que le seul moment où vous hésitez à aller jusqu'au bout du travail de l'historien, vous faites votre travail jusqu'au bout, mais c'est à mettre le nom d'un scandale, justement, c'est en disant, bah, de compte fait, il y a encore des descendants de ces gens-là dans le village, et vous anonymisez ce paragraphe, ce petit chapitre, parce que justement, il y a une question terrible. Là, il y a une question juridique, le manuscrit original contient les noms, évidemment, des personnes en question. J'ai retrouvé tous les coupables, entre guillemets, enfin, tous ceux que Joachim accuse, mais pour des raisons de respect de la vie privée, y compris 130 ou 140 ans après, nous avons décidé avec mon éditeur de ne pas indiquer les vrais noms. Peut-être que les descendants vont se reconnaître malgré tout et qu'ils viendront me voir. Drôle de paradoxe, parce que travailler sur l'historien réanonymise finalement les acteurs de l'histoire. Et voilà, mais c'était la bonne conclusion pour cette émission. Je remercie Michel Zancarini-Fournel, donc auteur, entre autres, des Luttes et des Rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours. Jacques-Olivier Boudon pour à la fois Les Naufragés de la Méduse et Le Plancher de Joachim qui vient tout juste de sortir chez Belin. Et vous-même, Philippe Artière, qui venait de conclure brillamment cette discussion. Demain, eh bien, nous traiterons avec un autre historien proche de la Révolution française, Stephen Kaplan, de La Querelle des Blés, c'est-à-dire c'est le grand livre qui vient de sortir justement sur raisonner sur les blés, comment eh bien, la question du blé et de l'approvisionnement en blé du Royaume de France avant la Révolution française a été une occasion de réfléchir pour les penseurs de l'époque. Merci à tous et merci à toutes et merci Sébastien Attard. Merci.